forces from your power. One day you'll learn the worm will turn of thieves and cheats and cowards. And then you'll cry and ask them why. Show no shred of mercy. Then you'll know you reap and sow. Time to pay that price. Don't give an inch. Don't give them a reason to take away all that you believe in. Don't give an inch. Don't give them a reason to carry on their bullshit and their thieving. Don't give an inch. Don't give them a reason to take away all that you believe in. Don't give an inch. They're only up to anything to try and gain an edge. Yeah, Angelic Upstart avec Don't Give an Inch, extrait de leur plus récent LP, c'est-à-dire Bullingdon Buster, et puis c'est le camarade B qui vous accueille pour cette 725e émission de Skypunka en ce mercredi 12 septembre 2018. Et oui, désolé pour le retard dans l'émission, mais bon, des fois avec la job, on peut pas tout faire. Sur ça, en tout cas, on commence aujourd'hui avec Redskins et la pièce Peasant Army, pièce qui se retrouve sur leur bon album compilation épilogue sorti sur Insurgents Records depuis un bout et que je fais jouer depuis quelques temps quand je l'ai déterré des boulamites. Après ça, Street Dogs avec une de leurs nouvelles compos, la chanson Working Class Heroes, extrait de l'album Stand for Something or Die for Nothing. C'est leur plus récent album, vraiment très bon. Et puis après ça, Territories avec Green Eyes. Pièce qui se retrouve dans le fond sur leur album qui est éponyme, qui est sur Pirate Press Record. Et puis c'est la chanson numéro 2. Sur ce, allez, let's go! Et on commence, comme je l'ai dit tantôt, avec Redskins et la pièce Peasant Army. Let's go! Please make the memories to stay. true, don't let them keep you down. Stay up, be true, don't let them keep you down. Stay up, be true, don't let them keep you down. Stay up, be true, don't let them keep you down. Stay up, be true, don't let them keep you down. C'était Territories et la pièce Green Eyes, pièce qui avait été, dans le fond, précédée de la chanson Working Class Heroes de la formation Street Dogs qui nous vient de Boston. Et au début du bloc, on avait eu Redskins avec la chanson Peasant Army. Maintenant, on enchaîne sans plus tarder avec un bon vieux classique du punk français tout d'abord, c'est-à-dire la souris déglinguée avec Rock'n'Roll Vengeance. Pièce qui est extraite de l'album éponyme de ce même groupe et qui date de 79. Après ça, les Partisans avec Hard Time, pièce se retrouvant sur leur plus récent LP, c'est-à-dire l'album qui s'appelle Rallumer tous les soleils. Et puis après ça, J'aurais voulu avec Comme loup solitaire, pièce se retrouvant sur l'album Sur nos routes, qui est leur plus récent LP. LP, yeah, ouais. Sur ce, allez, let's go, la souris déglinguée avec Rock'n'Roll Vengeance. une chaîne de télévision, et moi une chaîne, chaîne à vélo. Monopole de la violence contre ma délinquance. Pourquoi as-tu peur quand tu contrôles les médias? Pourquoi as-tu peur quand tu contrôles les médias? Est-ce que tu le sais? Pourquoi je te hais? Pourquoi je me bats toujours contre toi? Je cherche à détruire tous tes préjugés. Je cherche à détruire tous tes croix gammées. Génération, destruction. Un peu de vengeance sur ta bande blanche. Discours juifs, les mecs en bas sont dans la rue. Place de la République, trop arabe ou trop nègre. On est coincé dès l'entrée. On finit par la vengeance. Tous nos rêves sont conséquences. Est-ce que tu le sais? Pourquoi je te hais? Pourquoi je me bats toujours contre toi? Je cherche à détruire tous tes préjugés. solitaire. L'encre jetée sur mon bras reste libre et fier. Les dents sont dures pour les pirates solitaires. L'encre jetée sur mon bras reste libre. Alors c'était J'aurais voulu avec Comme un loup solitaire, et puis au début du bloc, on avait eu La souris déglinguée avec Rock'n'Roll Vengeance, Les partisans avec Hard Time, et maintenant on enchaîne en Scapong avec tout d'abord Bucko 9 et la pièce I'm Not Dead, pièce qui se retrouve sur un album qu'ils ont fait en 2009 sur Stomp Record, 2007 sur Stomp Record, et l'album s'appelait Substain. Après ça, eh bien, on va enchaîner avec No Respect, qui nous viennent de l'Allemagne, avec une de leurs bonnes vieilles pièces, Take a Look Around, pièce qui se retrouve sur Tune of Decline. Vous pouvez retrouver sur Matt Butcher Record. Et après ça, on s'en va en Angleterre avec The Barstool Preachers, la pièce Cry Wolf, pièce qui se retrouve sur leur plus récent album, Greasy Governor, disponible sur Pirate Press Record. Et finalement, on reste encore avec un band qui est sur Pirate Press Record, c'est-à-dire The Fireman et la pièce Underdogs, pièce qui se retrouve sur leur plus récent album qui s'appelle Look to the Skies. Sur ce, allez, let's go, buckle down avec I'm Not Dead. Skypunka, émission 725. so it's not my word. I was born into this shit. Now I gotta try, now I gotta try to make the best of it, to make the best of it. This show is not my word. I was born into this shit. Now I gotta try, now I gotta try to make the best of it, to make the best of it. This show is not my word. I was born into this shit. Now I gotta try, now I gotta try to make the best of it, to make the best of it. This show is not my word. I was born into this shit. Now I gotta try, now I gotta try to make the best of it, to make the best of it. This show is not my word. I was born into this shit. Now I gotta try, now I gotta try to make the best of it, to make the best of it. It sure is not my world, I was born into this shit. Now I gotta try, now I gotta try to make the best of it, to make the best of it. Abuse friends for favors, lie to relations. When the danger comes a knocking, it comes knocking louder. You'll look for help, and there'll be no one left about. You're a product of a shit situation, another soul in a broken nation. In your eyes, you look like burning it down. So I believe ya, first time I heard that in this messed up 21st century world, you say we have no choice but to burn it down. Down, down, down, down, down. In the belly of the beast, in this whole damn society, is where you're stuck right now. Forever you will be. You wanted our attention, you've got it in full force. Isolated from the help you need through being forced. You're a product of a shit situation, another soul in a broken nation. You got the look like burning it down. So I believe you, first time I heard that in this messed up 21st century world, you say we have no choice but to burn it down. Down, down, down, down. I heard you whine and cry till nothing was left. Shouting and screaming, you held your last breath. Fate came to claim ya, to settle your debts. The final conclusion, the played out is death. To your siren song. Don't get me wrong, it's just you got crashed before and you carried on. You're a product of a shit situation, another soul in a broken nation. In your eyes, you look like burning it down. So I'm a leader, first time I heard that it was messed up 21st century world. You say we have no choice but to burn it down. Down, down, down, down. tear down the flags because we know it's irrational. Forge our allegiance to geography's dictates. Yeah, the cause we carry to our blue accounts. The underdog will rise and there'll be no compromise. We gotta let them in, it's lion roar. They bite the hand that feeds them. They think we need them. Believe us when we say that they need us more. When you're 40-hour work, we conjure one debt of poverty. No, comes overflowing in the trickle-down economy. They don't think twice about a decade's austerity. They throw our futures away with its popularity. Gotta take notion, we can stop the trains. The ships on the ocean, we can put in chains. Every wheel in creation, mine and mill. Fleets and armies of the nation, at our command, we stand still. And a lot of parasites, we could pull out the rug, we could brush them aside. Change up the order, claim freedom for all. How do they come? Well, how do they fall? Create sitting offshore. Economic lords on the hold, we won't kneel for. No more meek and agreeable. They built their paradise by robbing working people. So stand up each generation again and again. Lines are drawn, it's war with no end. Panama paper in over the cracks. Feeling the shirts off our backs. The underdog will rise up, there'll be no compromise. For all the work that's been in too much pressure. The underdogs will rise up, there'll be no compromise. Never to rest because our spectre will haunt them. Never feel relief from the hackles that taunt them. Feeling the day we stand shoulder to shoulder. Bearing teeth growing fiercer and stronger and bolder. Silver bullet for the heart of the vampire. A sweat and blood realize their desires no more. Let the new day come, turn into dust as we rise like the sun. Ok, alors c'était Firemans avec Underdogs et au début du bloc, vous avez eu Buck O'Nine avec I'm Not Dead, No Respect avec Take a Look Around ainsi que The Barstool Preachers avec Cry Wolf. Maintenant, on s'en va en musique avec un groupe qui nous vient de l'Écosse et qui seront en spectacle à Montréal au mois de novembre, c'est-à-dire Oi Polloi. Et pour Oi Polloi, on va entendre la chanson Hunt the Rich. Pièce se retrouvant sur leur album qui s'appelle Pig for Slaughter 20 Years of Anarcho Punk Chaos. Pis là, Donc, Oi Polloi, c'est ça, ils vont être en spectacle à Montréal là, prochainement. Pis c'est ça, c'est le 17 novembre, ça. Avec King Can, The Conscript et puis Béton Armé. Donc, ça va avoir lieu au Catacombes. Et puis, c'est ça, c'est le 17 novembre. Donc, 17 novembre, Oi Polloi, King Can, The Conscript, et puis Béton Armé. Les billets sont en vente, en pré-vente à 20$, puis après ça, c'est 25$ à la porte. Le show commence à 8h. Bon. Après ça, dans le prochain bloc, qu'est-ce qu'on va avoir? Je reviens à ma playlist. Ok, c'est là. Donc, les 22 longs riffs avec À bout portant. Extrait de leur plus récent album qui s'appelle... Le bal populaire, et puis, pas le bal, mais plutôt bal populaire, mais bal populaire au féminin. Et puis, après ça, eh bien, les rectums, avec le corridor de la mort, qui nous vient bien sûr de leur bon classique CD, Truck and Roll. parce que le corridor de la mort, il était pas sur le démo cassette Directum, il l'avait pas fait à cette époque-là, cette chanson-là. Ah oui, c'est vrai, Directum, ils vont être en show bientôt à Trois-Rivières. Mais je vous parle de ça, au retour du bloc. Sur ce, allez, let's go. Oeil pas l'oeil, et Under Rich. Shut up! Ok, alors c'était le corridor de la mort d'Eric Tom, et comme promis, maintenant, faut parler du show d'Eric Tom, qui est un show réunion. Donc, l'Eric Tom, avec Self-Control, Global Holocaust, et oui, ça fait un méchant bout qu'on n'a pas vu ça à Trois-Rivières, Global Holocaust, à la ZIF, et puis, tabarnouche, comment c'est écrit ce groupe-là, c'est quoi ça, c'est un nom-là, Tape Worm. Ouais, ça ressemble à ça, en tout cas ils font du crossover, ça vient de Trois-Rivières. C'est leur premier show, regardons ça, et c'est écrit en anglais en plus. First show. Ah bah, noche, c'est ça, parlant en anglais à Trois-Rivières maintenant, et ben écoute donc. Donc, ouais, c'est ça. Fait que portée d'Halloween à la Taverne Royale le vendredi 2 novembre, là. Fait que vendredi 2 novembre. Puis en plus, si tu viens déguisé, là, ça te coûte moins cher, eh oui. Le monde qui seront déguisés, là. Ben, ça va leur coûter 12$. Pour ceux qui sont pas déguisés, hein, ben, c'est 15$. Ouais, fait que, sois pas plate, comme il est écrit sur le flyers, là, pis déguise-toi. Yes, sir! Fait que, c'est dit, les rectums, en show. Yeah! Show réunion, manquez pas ça, Trois-Rivières, à la place qui s'appelle la Taverne Royale, qui est située au 1983 rue Royal à Trois-Rivières. Puis c'est une présentation Trou du Diable en plus, fait que j'imagine qu'il va avoir de la bonne bière. Ah ben, pas pire, pas pire, pas pire. Sur ce, il n'y a pas de sur ce. Colin. Fait que, au début du bloc qui vient de jouer, on avait eu Oi Polloi avec Under Rich, puis les 22 longs riffs avec Abou Portant. Puis là, il est le temps de dire sur ce, on continue en musique. Là, c'est le temps de le dire. Fait que ça sera du ska. Puis si je me recule, parce que c'est sûr que pendant que je me recule, vous m'entendez moins bien sûr, pendant que je pogne mes affaires. Bon, fait que c'est ça. Donc, prochain bloc sera composé de la formation Scavenger tout d'abord, avec la chanson Oh Barbie, pièce qui se retrouve sur le House Canadian Club Volume 1, sorti sur Stomp Record, genre vers 1996. Ça semble, c'est pas mal ça. Puis, ça, je cherche la date. Non, 1995. Le House Canadian Volume 1. Après ça, Big D and the Kid Table et la chanson Describing the Sky. Pièce extrait de leur album qui est vraiment pété côté image. Là. Puis quand tu essayes de trouver les titres aussi, c'est comme tout écrit, tout croche. Ouais, ok, ça, c'est leur album pété. Ça. Ouais, album qui s'appelle Fluent and Stroll. Qui est sorti sur Side One Demi en 2000 quelque chose, parce que c'est ça, il y a le problème dans le punk. Yeah. Je pense c'est pas fort, c'est de pas écrire des dates. En tout cas, bon, fait que c'est ça. Puis après, The Planet Smashers avec Mighty, il y a cet extrait d'album qui porte le même nom. Puis après ça, on va avoir Scalariac avec la chanson Solo Vivir. Solo Vivir qui se retrouve sur l'album Club Ska. Album que vous pouvez retrouver sur Black Butcher Record. Sur ce, let's go. Musique Scavenger et Oh Barbie. Tout cela à Skypunka, émission 725. Yeah! Allez, go! Kind of girl, the glitz and the glamour, you're on top of the world. Oh Barbie, you are so real, giving to my fantasies. With you, that's how I feel. You are such a great listener, can only imagine what you say. When we fight, I always win. Always let me have my way. Oh Barbie, you're my kind of girl. The glitz and the glamour, you're on top of the world. You always a great listener, can only imagine what you say. When we fight, I always win. You always let me have my way. Oh Barbie, you are so real, I believe in magic. With you, that's how I feel. Oh Barbie, you are a doll. Some say shallow and empty, they don't know you at all. Can only imagine what you say. When we fight, I always win. You always let me have my way. Oh Barbie, you're my kind of girl. The glitz and the glamour, you're on top of the world. Oh Barbie, you are a doll. Some say shallow and empty, they don't know you at all. Can only imagine what you say. When we fight, I always win. You always let me have my way. Oh Barbie, oh Barbie, oh Barbie, oh Barbie. We'll be right back. Thank you. soy feliz. Lo soy si eres mía y te dejas amar. Y es así el fin, porque yo amo a la vida. No me va a sufrir, voy a lanzarme a volar sin ti. Alors c'était Scalariac avec Solo Vivir, et puis au début du bloc on a eu Scavenger avec Oh Barbie, Big D on the Kid Tables, et puis Describing the Skies, The Sky plutôt, hein, pas de S. Et après ça, The Planet Smashers avec Mighty. Maintenant on s'en va en Oi avec un bloc consacré à Brigada Flores Magón, et ça commence avec une reprise, et oui, Action Sédition et la pièce Octobre 61, pièce que vous pouvez retrouver sur le split qu'ils ont fait avec la formation Bull Brigade, album qui s'appelle Héritier des luttes d'hier, militants d'aujourd'hui. C'est un 10 pouces que vous pouvez retrouver sur Rebel Time Record depuis 2016. Après ça, vous allez avoir Bull Brigade, bien sûr, avec une pièce extraite du même album, et la chanson Pour ma classe. Et après ça, là on est là avec une vraie chanson de Brigada Flores Magón, c'est-à-dire Ils veulent nous tuer, pièce extraite de leur plus récent album, LP studio, là, ouais. Donc Tout pour tous, sorti en 2007. Sur ça, ben, il est rendu le temps d'y aller en musique. Fait que, let's go! Action Sédition, octobre 61. Ah oui, c'est vrai, ça me fait penser avant de faire aller l'affaire de musique, là. Tabarnouche, oubliez ça. Action Sédition, sont de retour. Puis, ils vont jouer, justement, au Revolution Fest. Revolution Fest, qui va avoir lieu à Montréal, comme d'habitude, dans le début du mois d'octobre. Mais plus exactement, les 4, 5 et 6 octobre. Et cette année, le gros groupe, c'est Brixton Cats. Yes! Puis bien sûr, le retour d'Action Sédition. Yes, sir! Sur ce, ben là, c'est le temps de dire la musique. Fait que, go! (Musique) crime, un chef pour la jury. Qui a vu les corps flotter dans la Seine? Nuit des longs couteaux, vive les FN! Sont lâchés leurs chiens, Charogne! Partir seul, j'ai rien, Charogne! Octobre rouge, octobre noir. Octobre 61, octobre rouge, octobre je rêve de faire. Nous n'aurons ce que nous serons preux. Avant de construire, il faudra détruire. Tant pis pour la morale, inutile de t'enfuir. Ils veulent nous tuer, ils veulent nous tuer, ils veulent nous tuer, ils veulent nous tuer. Pas d'évolution sans révolution. On fait partie du problème ou de la solution. Pas d'évolution sans révolution. On fait partie du problème ou de la solution. Si pénible que je suis que te diriger, je ne peux que te voir marcher à mes côtés. Le pouvoir ne vaut que s'il est partagé. Le pouvoir ne vaut que s'il est contrôlé. Ils veulent nous tuer, ils veulent nous tuer, ils veulent nous tuer, ils veulent nous tuer. Pas d'évolution sans révolution. On fait partie du problème ou de la solution. Pas d'évolution sans révolution. On fait partie du problème ou de la solution. Y'a pas d'alternative, toi t'agis, soit tu suis. Soit t'as la rage ou soit tu plies. L'ignorance ton pire ennemi. Le savoir est une arme. Allons sonner l'alarme. Allons sonner l'alarme. Ils veulent nous tuer. Ils veulent nous tuer. Ils veulent nous tuer. Ils veulent nous tuer. Pas d'évolution sans révolution. On fait partie du problème ou de la solution. Pas d'évolution sans révolution. On fait partie du problème ou de la solution. Ok, alors c'était la pièce Ils veulent nous tuer de Brigada Flores Magón. Et au début du bloc, on a eu la chanson Octobre 61 d'Action Sédition ainsi que Pour ma classe de Bull Brigade. Maintenant, on enchaîne en gros œil émotif, ouais, avec des belles chansons d'amour. Puis ça va commencer avec King Kans et la pièce Fighting Drunk, ainsi que Outcast. Puis là, pour ces chansons-là, je vois que les versions cassettes, ben, remarquez que Outcast est rien qu'en version cassette, là. Ben, donc, Fighting Drunk, on y va justement avec la version qui est sur la cassette Summer Ravoy. Puis, après ça, eh bien, Outcast, elle, c'est celle que vous pouvez retrouver sur la cassette éponyme de King Can. Puis, après ça, eh bien là, on va continuer avec la formation Bromure, qui est dans le fond le sideline, mais le side project du chanteur de Lions là. Donc Bromure avec la pièce Main dans les poches, pièce que vous pouvez retrouver sur le split de Street Trooper avec Bromure, sorti sur Insurgence Records cette année, que c'est un split 7 pouces. Et puis après ça, eh bien, vous allez avoir The Truth, avec c'est aussi une chanson qui est sur un EP là. Donc la pièce Radio Suicide, qui est dans le fond, que vous pouvez retrouver sur Longshot Music, Puis l'album, ben, il est éponyme. Fait que c'est The Truth, du groupe The Truth. Ensuite, Reckless Upstart et la pièce Kiev. Pièce qui se retrouve sur leur split 7 pouces qu'ils ont fait avec Streetlight Sense, sorti cette année sur Insurgence Record. Sur ce, let's go, King Cans et puis Fighting Drunk, ainsi que Outcast. Need a reason to fight someone. le vent me la peste. Fill it with restless with emptiness. Ok, alors c'était Reckless Upstart avec Kiev, et puis au début du bloc, vous avez eu King Cans avec Fighting Drunk ainsi que Hot Cass. Après ça, Bromur avec Main dans les Poches. Puis après, on avait eu The Truth avec Radio Suicide. Maintenant, il est temps de se quitter, et aujourd'hui, on se quitte en Punkanoï avec tout d'abord Smart Boys et la pièce Rock'n'Roll Love Song. Pièce que vous pouvez retrouver sur leur album I'm a Lion, sorti sur Crowd Control Media en vinyle cet été. En fait, l'été qui vient de passer, c'est vraiment, on est encore l'été. Ouais. On est bien aujourd'hui, il fait pas trop chaud. Ouais. Mais là, la montée de chaleur, ça en vient encore. Eh boy. En tout cas, après ça, Ultra Radio. En attendant d'avoir l'album, on va y aller encore avec la version promo de Les Incombris. Fait que j'ai hâte d'avoir ça, les nouvelles pièces de Ultra Radio. Ultra Radio qui vont faire une tournée en Europe, là. Puis leur vinyle arrive à Montréal prochainement, hein. Ouais, c'est ça. Si on se fie aux internets de Facebook. Yeah! Puis après ça, on se laisse en beauté aujourd'hui avec Les Bons à Rien. Et puis, c'est ça qui est ça. Ça, j'aime ça, un titre d'avant. C'est ça qui est ça. Yes! Ouais. Fait que, c'est ça, hein. C'est ça qui est ça qui se retrouve sur leur bon vieil album Alien que pourri. Hey, ça me fait penser, non, n'oubliez pas là, que les bons à rien avec The Prodders, là. Ben, dans le fond, ils seront en show le 8 décembre. Les bons à rien vont fêter leur 30e anniversaire. Les Prodders, leur 20e. Puis là, ben, il va y avoir les Ordures Ioniques, Vagabonds, puis Béton Armé aussi pour fêter ça. Pis c'est seulement 7$. Vraiment pas cher. Sur ce, bye bye tout le monde. Et à la semaine prochaine pour une autre émission de Skypunk. Alone with you.